Oceanía, Europa y América. Bienvenidos a las montañas del sudeste mexicano. Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, c'est la jungle des luttes, programme proposé par le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Donc le peuple du Chiapas en lutte, c'est-à-dire oui, c'est surtout les apatistes auxquels on fait référence, et donc on est un comité de solidarité qui se réunit maintenant plus qu'une fois par mois, et c'est le premier mercredi du mois dans les locaux du CICP, Centre International des Cultures Populaires, 21 Terre, rue Voltaire, dans le 20e à Paris. Et donc, le 20e, c'était quand on était dans les locaux de la CNT. Donc, pour le moment, c'est fini, puisque le 33 rue des Vignoles, malheureusement, va être en travaux très prochainement. Et donc, pour le moment, on va être hébergé au CICP, donc tous les premiers mercredis du mois, à partir de 20h. Donc, vous trouverez un petit papier sur la porte qui vous dira... ou sonner selon là où on a notre salle de réunion. Donc on espère justement vous retrouver, puisque c'est une assemblée ouverte. Il n'y a pas besoin de s'y connaître aux apatistes, peut-être juste intéressé surtout par les luttes des peuples en bas à gauche, puisque c'est un petit peu ce à quoi font référence les apatistes depuis déjà plus de 30 ans, puisqu'ils se sont soulevés le 1er janvier 1994. Et donc l'une de leur volonté, proposition politique, c'est que les peuples s'organisent et s'engagent dans une lutte contre le capitalisme, et donc s'organisent eux-mêmes. Et donc aujourd'hui, justement, on va continuer à parler notamment de ce qui se passe au Chiapas, parce que la situation est quand même très très grave et très violente, et il y a eu des actions d'agression directe visant les apatistes. Il y a eu également un prêtre très engagé dans la lutte pour les peuples indigènes ou les communautés paysannes du Chiapas, qui a été assassiné par balle très, très récemment. Donc voilà, on parlera rapidement de ce qui se passe au Chiapas, mais surtout donc, on vous invite à justement venir nous rencontrer, si vous le souhaitez, le premier mercredi du mois, donc au CICP, pour qu'on puisse éventuellement envisager de faire des actions. Donc hier, il y avait justement une... journée de solidarité avec le réseau Remise à Flot, dont on a parlé à la dernière émission de façon un peu bâclée, mais parce qu'on voulait annoncer ce concert qui a eu lieu hier. Et donc il a eu lieu. Donc là, aujourd'hui, on va pouvoir vous en parler peut-être aussi encore avec un peu plus de temps pour vous raconter ce que c'est ce réseau et la solidarité qu'on attend. Et pour eux, et pour que survive ce réseau, qui est un réseau militant et gourmand, puisque l'idée, c'est de transporter des produits à travers les cours, les canaux, les fleuves du sud de la France jusqu'à Paris. Et donc, pour ça, là, actuellement, il y a le besoin d'une solidarité pour acheter la péniche qui permettrait de justement pérenniser ce projet qui existe déjà depuis 27 ans, voire 28 même, il me semble. Donc voilà, du coup, là, on parlera de ça en dernière partie de l'émission. On commencera avec le Festival des Peuples Veulent. Donc là, justement, ça reste tout à fait dans le cadre de ce qu'on peut pas évoquer quand on parle des apatistes, de leurs initiatives depuis 30 ans, à savoir que les peuples se rencontrent, forment des fronts, des réseaux de solidarité, d'entraide et de lutte contre le capitalisme, la domination patriarcale, la domination... de l'argent, la domination des uns sur les autres, et en général donc tous ces peuples qui ont des cultures qu'on a écrasées, minimisées, et qui lèvent la tête et lèvent le poing et sont debout. Et donc c'est ce Festival des Peuples Veulent qui a déjà, il en est à sa 5e édition, et donc il va y avoir, on va commencer avec ça, un entretien qui a été fait par une copine du CSPCL, avec une des organisatrices de ce festival. Et nous allons ensuite enchaîner avec un autre festival, le 4e du festival anticolonial qui se passe à Ivry-sur-Seine, donc depuis 4 ans maintenant. Et donc, on aura un petit moment où on va pouvoir vous passer quelques prises de parole et quelques sons de ce festival. Donc voilà, vous êtes toujours sur 106.3 FPP. C'est la jungle des luttes, un petit morceau de musique et on commence direct avec le festival des Peuples Veulent. سلم عالديرة يا طير الطير الأرض الكريمة يخدوش اللي فينا سلم لي عريحة وسلم عالديرة يا طير الطير الشط والرمال بداية حياتي أحلق يا وطن فرحة ومآسي أحلق وطن الغالي فلسطين حبيبة نادي Trying to fly with no wings, but I promise you the caged birds sing in the wintertime. Heavy nights, big dreams, praying that we make it to 16. And even though I travel the world, we should let it say Palestine. Ah, fat, fat, fat, the time, my life, راح سنين ما ناسي هذه عوامر الخطر مجروح. آه فاتوا فاتوا فات الوقت عمري راح سنين ما ناسي هذه عوام والخطر مجروح PP106.3, la jungle des luttes, c'est le programme de radio qui vous est proposé par le CSPCL, le Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Et aujourd'hui, on est contente d'inviter une des membres du festival Les Peuples Veulent, dont la cinquième édition va se tenir à Marseille cette année, les 26 et 27 octobre, à la Cité des Arts de la Rue. Est-ce que tu veux revenir un petit peu sur la genèse de ce festival et des Peuples Veulent et nous expliquer un peu comment tout ça est né? À toi. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Les Peuples Veulent, c'est un peu le bébé de la cantine syrienne. Du coup, la cantine syrienne, un collectif de exilés syriens syriennes et de habitants de Montreuil, de militants internationalistes, qui a commencé en 2019. Et voilà, c'est une cantine solidaire, mais aussi un espace de rencontre et d'échange transnational. Et en 2019, il y avait, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais un vague de soulèvements populaires un peu partout dans le monde, en Irak, au Liban, en Algérie, au Chili, Hong Kong, etc. Et nous, à la cantine, on était en train on voulait préparer une soirée de soutien pour la révolution au Liban. Et en fait, au bout des semaines, au bout des jours même, il y avait un peu une multiplication des soulèvements. Donc on s'est dit, on ne va pas faire une soirée juste pour le Liban, on va faire une soirée pour tous ces soulèvements, pour tous ces mouvements populaires. Et donc, on a fait la première édition des Peuples veulent. C'était une journée de discussion avec des militants originaires de ces pays exilés ou dans une situation de migration, disons, de migration diaspora en France. Et en fait, ça nous a plu, ça a donné un peu de l'énergie et de l'enthousiasme à pas mal de gens. Et donc, du coup, on a décidé de le reconduire chaque année. Voilà, donc du coup, c'est un peu comme ça que les rencontres des Peuples veulent sont nées. Du coup, cette édition, tu l'as mentionné, ça va être la 5e édition. Et au fur et à mesure des années, ce qui s'est passé, c'est que en fait, les rencontres ont commencé à un peu grandir. La deuxième année, c'était en ligne parce que c'était le Covid, mais là, on était vraiment sur une semaine des rencontres déjà avec des personnes de au moins 10 pays, si je ne me trompe pas. La troisième édition, du coup, là, on a enfin pu le faire en vrai, et du coup là avec 3 jours de rencontres publiques avec plein de d'activités artistiques, culturelles, etc. Et aussi ce qu'on a fait cette fois, c'est qu'on a commencé à inviter en fait des militants des pays eux-mêmes, c'est-à-dire on a vraiment fait venir des gens du Mexique, de l'Argentine, de l'Inde, des États-Unis, de l'Irak, donc directement voilà de ces pays pour assister à ces rencontres. Et du coup, on en a aussi profité pour faire quelques jours en fait des rencontres non publiques qui ont du coup précédé le festival public pour se mieux se connaître, mieux se rencontrer et commencer à discuter de qu'est-ce qu'on aurait envie de faire dans un cadre de rassemblement, de réseau transnational. En gros, à ce moment-là, dans la troisième édition, il y avait un peu le début de cette idée, on a envie d'aller un peu loin, enfin au-delà du forme du festival ou de la forme événement, quoi. Mmh. Et du coup, la quatrième édition, c'était un peu, qui a eu lieu en 2022, c'était un peu c'était la plus grosse, quoi. Et là, on avait vraiment des invités d'une quarantaine de pays, de presque tous les continents, et là sur 10 jours, une semaine non publique et 3 jours de festival public qui a eu lieu en Montreuil, sur 3 lieux montreuillois. Là, le désir en gros de commencer à réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire de constituer un réseau internationaliste aujourd'hui qui peut s'engager de manière sérieuse avec la question révolutionnaire et aussi avec la question de l'entraide matérielle. Donc voilà, on était là dans la 4e édition, et là pour cette 5e édition. Donc la 4e édition, c'était l'année dernière, c'est ça? Oui, c'était en 2022, il y a deux ans, voilà. Et à partir de là, en fait, on s'est dit, on a envie de continuer, mais il fallait prendre un peu de pause, déjà, pour digérer, en fait, ce qui a eu lieu dans la dernière édition, parce que c'était assez intense, c'était assez riche, il y avait beaucoup d'attentes, d'espoirs, d'idées, de projections, mais bon, en fait, déjà... autour de 70-80 pendant les moments off, on parle pas tous la même langue, on venait de se rencontrer à peine pour certains, d'autres pas, mais voilà, il y avait trop de choses qui ont eu lieu, et du coup on a décidé de prendre un petit moment en fait pour digérer, pour comprendre, pour raffiner nos intentions, nos objectifs. Et aussi en fait de commencer à se dire on a envie de commencer à délocaliser ces rencontres de Montreuil, de la France, mais 3 aussi de la cantine syrienne qui ça commençait à devenir un peu lourd, disons, pour un petit collectif, une cantine quand même finalement locale, de soutenir, disons, le poids d'animer un réseau transnational. Donc du coup, voilà, on a pris 2 ans pour réfléchir à cette période de transition, de métamorphose, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Et depuis 2 ans, du coup, on a commencé à travailler à une 5e édition qui allait être au Liban, avec des camarades et des lieux et plein de personnes sur place. Donc du coup, on a constitué une équipe entre des personnes dans le réseau et toute une équipe qui au Liban. On y a travaillé pendant presque 1 an, jusqu'à ce que on décide en avril cette année de annuler. Pour des raisons, j'imagine, qui sont évidentes, le génocide en Palestine et la guerre absolument atroce qui est en train d'avoir lieu au Liban aurait mis un peu en échec cette hypothèse. Mais du coup, on a décidé de rapatrier les rencontres en France, mais d'aller quand même vers le sud. Et du coup, là, Marseille s'est imposé comme un choix évident, parce que c'est une ville d'exil, c'est une ville de diaspora, c'est une exil de passage entre justement plein de pays du sud. Donc, on est très très content de le faire à Marseille, même si ça nous fait... ça a été assez difficile d'accepter de abandonner le projet au Liban après 1 an de travail, surtout en pensant à nos camarades qui sont sur place et qui probablement maintenant vont pas pouvoir venir assister aux rencontres, alors que ça fait 1 an qu'ils les organisent eux-mêmes depuis là-bas. Donc voilà, y a une petite tristesse quand même. Mais on est content de pouvoir maintenir ces rencontres cette année, parce qu'on pense aussi que c'est important dans ce moment justement de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire, ne pas céder à ce sentiment de sidération, d'impuissance, de réfléchir à des perspectives peut-être un peu plus prometteuses pour l'avenir. Et donc tu disais que c'est les Peuples Veulent, c'est une association, enfin il y a plein de collectifs et d'individus, de personnes qui en font partie. Est-ce que tu peux revenir sur comment un petit peu vous avez créé ces liens-là, qu'est-ce qui vous unit un petit peu, qu'est-ce qui fait lien avec tous ces différents composants, est-ce que c'est des personnes que vous avez rencontrées individuellement, est-ce que c'est des personnes vers qui vous êtes allées, un petit peu tout ça. Ça dépend un peu. Après là, par exemple, les personnes qui en grande partie étaient dans la préparation de cette édition étaient surtout des personnes qui ont déjà participé en fait aux éditions différentes, c'est-à-dire des invités, enfin voilà, des anciens invités quoi, qui deviennent qui commencent à prendre part à l'équipe d'organisation. Et sinon, les liens, les rencontres, le tissage, disons, de ce réseau depuis ces dernières années, déjà à travers la cantine, c'était un endroit de rencontre justement entre des personnes exilées, militantes d'autres nationalités qui habitaient en France, mais aussi en fait pas mal de personnes dans nos entourages, parfois des membres de l'équipe d'organisation des Peuples Veulent ou de la cantine, on intentionnait aussi des voyages, des enquêtes dans certains pays pour aller à la rencontre des personnes sur le terrain avec qui on partageait justement des visions communes, des analyses politiques proches quoi, de ce qu'on voudrait faire, de comment on pourrait mieux vivre et changer ce monde, voilà, pour le dire de manière pas très subtile, mais en gros, il y avait des rencontres intentionnées, et après, c'était aussi aller demander à des camarades proches de confiance, est-ce que vous connaissez des gens dans ce pays, dans l'autre pays, etc. Et typiquement, par exemple, il y a le site internationaliste Crime Think aux États-Unis, bah on a aussi dans des moments où on cherchait par exemple, je sais pas, quelqu'un au Sri Lanka ou quelqu'un en Azerbaïdjan, bah on savait peut-être eux ils allaient avoir voilà. Donc du coup en fait c'était par un truc de réseau qui commençait à s'amplifier petit à petit et du coup qui donc voilà c'est soit des personnes de confiance à qui on demandait soit c'est des recherches, des enquêtes ou des voyages que nous-mêmes on a fait pour solliciter des rencontres, solliciter des nouvelles rencontres et voir comment on peut créer des liens en fait avec des gens dans des pays où pour le coup personne autour de nous avait des liens. Et on avait eu la chance nous à votre édition il y a 2 ans donc de rencontrer par exemple le groupe des Panchos avec qui on avait eu un entretien et c'était super intéressant. C'est ce groupe un peu la version si on peut dire schématiquement urbaine des apatistes puisque notre émission elle est quand même aussi beaucoup là-dessus. Et voilà, qui renforcent leur autonomie dans un village, mais bon, une zone géographique pas loin de dans la banlieue de Mexico City, quoi. Donc vous pouvez réécouter d'ailleurs cet entretien sur notre blog La Jungle des Luttes. Normalement, il est toujours accessible. C'était très intéressant ce qu'ils nous partageaient. Voilà, c'était pour la petite pub il y a 2 ans. Et donc c'est chouette parce qu'au travers de ce festival aussi, vous aviez mis en place tout un... Enfin voilà, vous aviez fait plein d'entretiens radio, vous créez aussi pas mal de contenu qui est encore accessible sur vous aussi votre site, c'est ça ? Le site de la cantine syrienne, mais bientôt aussi sur le site, il y aura un site spécifique pour les peuples veulent et aussi on mettra en accès, les archives des anciens, des éditions précédentes. Et d'ailleurs, Los Panchos, ils reviennent. Voilà, c'est ça. Ils reviennent pour cette année. Trop bien. Donc oui, n'hésitez pas à aller consulter toutes ces ressources-là. Et peut-être qu'on peut enchaîner en te demandant... Donc tu nous expliquais aussi qu'il y a eu cette pause entre la dernière édition et celle-ci, avec cette réflexion autour de dissocier un petit peu les entités cantine syrienne et peuple veulent. Et donc de là, si j'ai bien compris, a émergé aussi l'idée d'un manifeste, n'est-ce pas ? Et donc qui va sortir à l'occasion de la prochaine édition, là, fin octobre. Est-ce que tu veux nous en dire plus sur, pareil, aussi la genèse de ce manifeste ? Qu'est-ce qu'il contient ? Quels sont les objectifs, un petit peu ? Oui, justement, en fait, dans ces moments de rencontres non publiques qui ont eu lieu dans les éditions précédentes, à la fin de chaque rencontre, on se dit... Allez, il faut qu'on écrit un texte, voilà, une déclaration, un truc qui acte quelque chose, comme quoi on est ensemble, comme quoi on partage les mêmes analyses, comme quoi en fait on s'engage à faire des choses par la suite, enfin pour donner conséquence quoi à ce moment de rencontre, à cet événement. Bon. C'était dur de le faire ça les moments même, pendant les moments des rencontres. Donc en fait, ce qui a été fait, c'est que suite à la dernière édition, donc la quatrième édition en 2022, il y avait une équipe qui s'est constituée, une équipe transnationale. Voilà, pareil, toutes les personnes qui faisaient partie de cette équipe, c'était des personnes qui ont déjà participé au festival, enfin aux rencontres par le passé. Et donc cette équipe transnationale, avec des personnes de 7 nationalités, ont pendant 1 an commencé à concevoir un texte qui pourrait agir comme une base commune pour le réseau qui était un peu en cours de gestation, qui était en cours de réflexion, de lancement, etc. Donc ce manifeste est désormais fini. et du coup l'idée là c'est c'est presque déjà terminé la traduction en 4 langues, du coup ça va être disponible en français, arabe, espagnol et anglais, donc pendant les rencontres là à Marseille mais aussi sur le site. Et bah, l'objectif, c'était de dire que, comme je disais, il y a un peu un moment de transition là dans la dynamique ou le processus Les Peuples Veulent, où on a envie d'aller voilà, plus vers de l'élaboration stratégique commune, potentiellement de l'intervention aussi. Et du coup, pour pouvoir faire ça, bah, y a besoin qu'on se mette d'accord sur un nombre de choses. Quand tu dis de l'intervention, ça serait du coup ce que tu désignais par un peu de l'entraide matérielle, s'il y avait tel collectif, tel pays, telle géographie qui est en difficulté ou qui a besoin de, voilà, de soutien matériel ou autre, ça serait ça un petit peu ce que tu appelles l'intervention ou... Oui, par exemple, mais bon, là c'est des questions qui sont en cours de discussion, quel type d'intervention, mais oui, disons, Les Peuples Veulent, enfin, en tout cas, là, je peux essayer d'expliciter un peu les objectifs qui sont à la fois, du coup, mentionnés, écrits dans le manifeste, mais qui sont vraiment voilà, les objectifs un peu du réseau, d'une manière générale. Oui, en fait, un, c'est vraiment créer un espace de liaison transnationale, du coup, où des personnes, des groupes, des organisations, en fait, de différents endroits dans le monde puissent avoir en commun pour échanger à la fois des analyses, mais aussi, en fait, puissent s'entraider, quoi. En fait, donc, nous, notre analyse, c'était il fallait mettre en lien, en fait, des forces du terrain et surtout des forces qui sont dans des pays du sud ou qui sont issues en fait des expériences révolutionnaires ou qui sont en exil. Voilà. Donc ça c'est disons le premier objectif, c'est de mettre en lien. Voilà. Le deuxième objectif, et pourquoi on veut mettre en lien, ben c'est aussi pour permettre en fait de décupler nos forces et nos capacités d'intervention du coup là dans des moments de crise, de soulèvement, mais aussi de guerre, comme on est en train de voir, et pas juste en écrivant des communiqués, ce qui est très bien, mais nous l'objectif c'est vraiment de voir comment on peut penser une entre-aide et une solidarité matérielle conséquente. Voilà, donc ça c'est le troisième objectif. Et après, le quatrième objectif, c'est un peu de penser à la construction, à la diffusion d'une ce qu'on appelle une culture révolutionnaire internationaliste, quoi. Ou en gros, penser à qu'est-ce que c'est, en fait, qu'est-ce que c'est des pratiques internationalistes révolutionnaires aujourd'hui qui correspond aux coordonnées de l'époque, qui correspond aux tensions, contractions, états géopolitiques du monde, et comment en fait on peut justement, malgré les désastres qu'on est en train de vivre aujourd'hui, malgré ce que nous on appelle la contre-révolution, du coup après une décennie de soulèvement là, pour nous on assiste à une contre-révolution, comment malgré ça en fait on peut quand même penser à des perspectives de libération collective qui sont internationalistes et qui abandonnent pas en fait la perspective révolutionnaire. Donc voilà, disons les objectifs du réseau, c'est un peu ça. Le manifeste fait tout un chemin, ça va être un petit texte quand même de 100 pages plus ou moins, qui à la fois essaie de tirer en fait un bilan, disons, de cette dernière décennie, de l'expérience des soulèvements populaires, les échecs comme les acquis, de un. De deux, qui essaie aussi de voir justement avec quelles lunettes on peut lire ce monde aujourd'hui. Nous, on propose une lecture, on ne propose pas des nouvelles, ni une nouvelle théorie, ni un nouveau paradigme, mais juste quelques coordonnées qui nous permettent de saisir en fait les enjeux de l'époque qui commence à dessiner des hypothèses de travail, des pistes de réflexion et d'action que nous en tout cas on a envie de approfondir et de penser à comment les matérialiser dans la suite. Donc du coup voilà, le manifeste c'est un peu ça. Donc j'ai dit, ça a été écrit à une petite dizaine de personnes qui viennent de 7 pays différents. Et après, ça a été relu, discuté, débattu par l'ensemble du réseau Et du coup, ça, y a eu pas mal de réécritures et de modifications suite à une, voilà, un moment de feedback et de critique et de et de voilà. Donc du coup, c'est un travail collectif à la fois à l'échelle d'une petite groupe, mais aussi à l'échelle en fait de tout le réseau. Donc voilà, ça a été fait vraiment en deux temps. C'était pas simple, mais là c'est fini et voilà, vous allez pouvoir le procurer au festival. Ouais, ben on a hâte de l'avoir entre les mains et c'est hyper intéressant tout ce que vous avez construit. Moi, c'est vrai que ça, bon, je peux pas m'empêcher de penser et faire le parallèle avec, encore une fois, le lien avec l'émission et la jungle des luttes, mais donc des apatistes et de ce qu'ils ont créé comme réseau initialement, par exemple la Sexta, issue de leur 6e déclaration de la forêt Lacandone, tout ce réseau qui s'est créé internationaliste aussi après ça, et puis évidemment plus récemment en 2021, le Voyage pour la vie, qui en toile de fond quand même, en tout cas c'était notre interprétation pour beaucoup, on pensait qu'il y avait une vraie réelle volonté d'essayer de voilà, quand même créer du lien avec tous ces collectifs en Europe et aussi de renforcer ce réseau internationaliste là, donc c'est hyper intéressant, il y a plein de résonances et voilà, à voir, on pourra en rediscuter de tous ces parallèles. Mais avant de juste finir par revenir un peu sur le détail du programme donc du week-end prochain des Peuples Veulent, on va faire une petite pause musicale. On se retrouve dans quelques minutes. Listen, if you're really about change, if you're really about the liberation of indigenous people, if you're really about sticking it to the fucking corrupt governments around the world, then it's gonna take sacrifice. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا نهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني أنا دمي فلسطيني But my blood is Palestinian. We've been marching through the streets while they lying on the TV. Biden and the government, the bullet licking BB. You can't kill and steal a country that try offering a treaty. We want justice, we want freedom, we want liberation. While we at it, go and give our brothers reparations. They complain about migration while destroying other nations. The hypocrisy is crazy, tell me where's the combination? We call them for some peace, they blow babies to pieces. I've been traumatized, I wish that I could heal them. Say it's war, but civilians only die. Check the facts, man, the world knows you're lying. It's too late now, we see the world for what it is. 75 years, I remind those who forget. When Europe kicked you out, Palestine took you in. How you repaying by murdering all the kids? على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا نهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني أنا دمي فلسطيني Jesus and the believers call us heathens, but can't defeat us. They'll never be us. If you're the fetus, we'll be the Moses. God's chosen, got them sleeping with one eye open. Kick the door in, they go in. No more gloating. 4-5 to your forehead from the orphan. Got you floating to this land you are foreign. River to the sea, we taking back every portion. It might not be today, it might not be tomorrow. We ain't trying to separate the babies from their mamas. We ain't trying to escalate, we're trying to end the problems. Return the land to the people, we could end the drama. You could even live here if you treat the land with honor. Tell me, what would you do if somebody killed your father? You'll be a soldier when you really wanna be a doctor. The problem is that they don't worship God, they worship dollars. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا نهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني أنا دمي فلسطيني RPP 106.3, la jungle des luttes. On est toujours avec la camarade des Peuples Veulent qui nous expliquait un petit peu la genèse de ce réseau, maintenant réseau, issu de la cantine syrienne et qui maintenant devient un peu une entité à part. Et donc, dont la prochaine édition va avoir lieu les 26 et 27 octobre prochains à Marseille, à la Cité des Arts de la Rue. Est-ce que tu veux nous expliciter un petit peu le détail du programme? Qu'est-ce qui nous attend le week-end prochain au Peuples Veulent? Cette édition, il va y avoir quatre thématiques principaux, je ne sais plus comment on le dit. Il va y avoir des panels, mais aussi des ateliers. Du coup, autour de ces quatre thématiques. Donc, du coup, il y a toute une thématique qui est pour nous a été, qui est une évidence, qui est un fil rouge, disons, depuis le début du processus, qui est autour de l'exil, du coup, de l'organisation depuis l'exil et de comment, en gros, on peut tisser des alliances transnationales, internationalistes depuis l'exil. Du coup, il y a un table ronde et un atelier sur ce sujet-là. La deuxième thématique, ça va être plutôt tourné autour des ce qu'on a appelé le régime global du guerre d'aujourd'hui, du coup sur les conflits impérialistes et coloniales, enfin les guerres, les offensives, disons, plutôt impérialistes et coloniales. Mais aussi des résistances, des luttes internationalistes qui potentiellement peuvent leur faire face. Et cette thématique, ça va être déployé sur deux temps. Il y aura une table ronde qui va inclure des invités qui viennent par exemple de la Palestine, de l'Ukraine, du Soudan, du Kanaky et du Kurdistan. Et du coup, en fait, l'idée, c'est vraiment de parler avec des militants et d'aborder en fait des luttes qui sont en ce moment-là en train de vivre des offensives impérialistes et coloniales. Il y aura un deuxième temps qui est plus concentré sur les différents visages d'impérialisme, disons des formes d'impérialisme qui ne sont pas directement ou visiblement publiquement militaires, où il n'y a pas des guerres ouvertes, où il y a des formes parfois un peu plus sinueuses. Et du coup là, il va y avoir une deuxième table ronde. Avec là des invités plutôt du Sénégal, Taïwan, c'est sûr que j'ai oublié des choses, d'Iran, Géorgie et il y a un quatrième pays que j'ai, cinquième pays que j'ai, mais idée. Voilà, il y a la troisième thématique, c'est plus comment en fait on peut résister à toujours avec les questions de l'impérialisme, à l'impérialisme et aux offensives impérialistes et à l'instrumentalisation disons libérale, néolibérale, néocoloniale des luttes féministes et queer. Donc il y a une table ronde et un atelier qui l'accompagne. Et un quatrième temps, plutôt vers la fin, qui va être dédié à réfléchir à la question de la consistance, la permanence dans la durée d'un mouvement révolutionnaire. En gros, se poser la question, malgré la contre-révolution qu'on est en train de prendre en pleine face en ce moment, comment on peut réfléchir à des outils, conditions, c'est quoi les obstacles en fait, qui empêchent justement la permanence, la consistance d'un mouvement révolutionnaire sur le temps long. Donc voilà les quatre thématiques. Après, évidemment, il y a aussi pas que des discussions. Il va y avoir une grosse soirée samedi soir avec un line-up de malades, si je me permets de dire. Il va y avoir aussi des balades, des plateaux radio, des expositions, des stands à manger et à boire. Trop bien, ça s'annonce vraiment super. Donc ça sera donc, on peut redire une dernière fois, mais donc les 26 et 27 octobre prochains, donc samedi, dimanche, à Marseille, aussi à la Cité des Arts de la Rue. Est-ce qu'on oublie quelque chose? Peut-être dire qu'il y aurait éventuellement un besoin. N'hésitez pas si vous êtes complètement bilingue arabe-français. Ou arabe en anglais, ou enfin en tout cas vous parlez bien l'arabe, à faire ou l'anglais signe. Voilà, parce qu'il y a des besoins en traduction évidemment. Ce festival, il est, enfin, c'est rendu possible aussi de pour se comprendre entre tous ces groupes et collectifs qui viennent de partout dans le monde. C'est aussi grâce à la traduction. Donc est-ce qu'ils peuvent vous écrire à une adresse spécifique peut-être, ou renvoyer vers le site? Oui, le site il sera prêt au moment du festival. Il y a deux choix, il y a soit Insta, le compte Instagram des Peuples Veulent. Sinon, je vous dis tout de suite l'adresse. Je le cherche. Alors, parce qu'il y a bien quand même une adresse, c'est traductionlpv@proton.me. Voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez de filer la main pour la traduction. Et d'ailleurs, c'est aussi possible de filer la main pour le IN, pour le festival, pour d'autres tâches. Donc voilà, venez en nombre et ça va être super. Merci beaucoup à toi et à très vite. Merci beaucoup. Pause musicale, on se retrouve très vite. FPP, la jungle des luttes. On continue donc avec toujours des peuples en lutte, et notamment les peuples victimes du colonialisme, qui est du coup un système en place depuis déjà plusieurs siècles et dont de nombreux peuples sont victimes. Et justement, à l'occasion de cette fameuse date du 12 octobre, de la découverte dite de la découverte de l'Amérique, c'est-à-dire de la conquête de tous ces peuples originaires et autochtones du continent américain, il y a un festival, une semaine décoloniale à Ivry. C'est sa quatrième édition qui a eu lieu du 12 au 17 octobre 2004, organisée par quatre collectifs locaux qui donc luttent contre des formes de racisme et de discrimination. Et donc, voilà, c'est l'idée un peu de pouvoir se rencontrer, de se réapproprier ces histoires, la mémoire aussi de ces peuples dont on a voulu écraser l'existence et toute la richesse. Et donc, il s'agit aussi de décoloniser les esprits, la société, qui est un travail de longue haleine, entrepris par plusieurs groupes, plusieurs collectifs, et qui, en fait, touche chacun de nous. Et comme le disent souvent les apatistes, il faut déjà changer soi-même pour pouvoir espérer voir le monde changer. Donc, effectivement, il faut pouvoir se questionner, de pouvoir, selon de quel côté on se place, regarder aussi un peu quelle est la réalité de tous ces peuples qu'on finalement on finit par nous-mêmes, peuples issus des peuples coloniaux, du colonialisme, on doit prendre la mesure. Et on est donc avec des interventions liées à la Kanaky en premier, ensuite il y aura un collectif Paris Ayotzinapa qui est, dont on a déjà entendu parler, qui est lié à la lutte pour la réapparition des disparus de Ayotzinapa. Il y aura également la Batucada et Raíces Arechas. Et donc c'est maintenant. Quatrième festival d'Ivry, c'était la semaine dernière. Je vais vous parler de Kanak. Je vais juste expliquer un peu la situation que mon peuple est en train de traverser. Donc, depuis le 13 mai, il y a un projet de loi constitutionnelle qui a commencé son processus législatif et qui a été voté par l'Assemblée nationale pour dégeler le corps électoral en Nouvelle-Calédonie. Ce dégel allait mettre en minorité le peuple kanak dans son propre pays. Savoir que la Nouvelle-Calédonie, il y a un peuple autochtone, donc le peuple kanak, qui a toujours demandé son indépendance et a retrouvé sa souveraineté. Donc aujourd'hui, on est à 171 ans de colonialisme. Je ne vous parle pas d'un colonialisme d'un autre pays, je vous parle d'un colonialisme d'un État qui est le vôtre. Ce sont vos gouvernements qui agissent chez moi. Quand deux grands frères perdent la vie là il y a deux semaines, trois grands frères, pardon, perdent la vie il y a deux semaines, ce sont les balles des mêmes gendarmes que vous avez dans vos boulevards. Donc aujourd'hui, la répression, elle est montée d'un ton. Nous, on souhaite tout simplement que l'État reconnaît l'accord qu'elle a passé avec nos anciens en 88 et 98, qu'elle ne revient pas sur ces acquis-là. Aujourd'hui, on a un État qui méprise non seulement le droit international, mais il méprise également ses propres engagements vis-à-vis du peuple kanak. Donc, on ne veut plus que nos mères enterrent nos frères, parce que là, en peu de temps, on a eu 18 morts. Peut-être ça paraît un petit chiffre, mais quand on est un peuple de 100 000 habitants, quand on est un peuple kanak qui est 100 000, 18, ça fait beaucoup. L'impact est assez important et aujourd'hui, nous, ce qu'on demande simplement, c'est que l'État fasse marche arrière, mais c'est pas prêt d'arriver avec les positions du nouveau Premier ministre Barnier sur la question. Pour vous définir un peu la situation, depuis mai, donc le peuple kanak qui s'est soulevé, des milices coloniales, donc des gens qui, la plupart c'est des Européens, ils sont présents sur le territoire, qui ont pris les armes, c'était des civils, et qui ont pu tuer en toute impunité avec l'appui des forces de l'ordre. Donc le peuple kanak s'est tout simplement soulevé, et l'État a comme réponse tout simplement d'arrêter les dirigeants de l'organe du FLNKS qui à ce moment-là a mené l'action qui s'appelle le CCAT. Donc on a déporté nos 7 dirigeants ici dans les geôles françaises. Donc ils sont partis avec des convois militaires dans la nuit. Certains droits ont été bafoués dans le cadre de la procédure. Il faut savoir qu'ils sont ici, qu'ils n'ont pas été jugés, donc ils sont présumés innocents. Mais le juge de la détention des libertés a quand même accepté de mettre ces gens en détention provisoire, loin de leur famille. Aujourd'hui, on a ces 7 qui font tout l'objectif de la caméra, mais il y a aussi les militants, les simples militants qui se sont fait attraper sur les barrages, et eux, ils sont plus de 50. Ils sont plus de 50 et ils ont été répartis dans les quatre coins de la France. On a Montmédy, on a plusieurs prisonniers politiques à Mulhouse, à Grenoble, donc dans la banlieue. Donc aujourd'hui, ben, je viens simplement faire état, tout simplement vous informer sur la situation et vous dire simplement que c'est pas notre gouvernement, c'est ce même gouvernement qui est ici, c'est celui de la rue de Saint-Honoré, c'est eux-mêmes. C'est l'Assemblée nationale qui a mis le feu aux poudres chez moi. Aujourd'hui, ben, simplement on vient ici, on essaie de donner de la lumière, mais aussi se nourrir des combats et des organisations. Là, je suis assez heureux de revoir la table avec des visages qui ne sont pas inconnus. Notamment, on travaille avec Urgence Palestine, avec le collectif Samido, avec les autres, on a réussi à trouver... à trouver ici une solidarité nationale. Donc je paraphrase un grand monsieur qui dit, ben, aujourd'hui c'est à cette France à moi que je m'adresse, ma France à moi, et je dis, ben, je leur dis simplement ben, que il n'y a que en multipliant les fronts, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça, ben, je profite pour des forces et courage au peuple de Matignina, en Martinique, et au peuple, à tous ceux qui décident tout simplement de s'insurger et de mener la révolution au nom de la dignité des hommes. Donc je ne vais pas m'étaler plus et j'espère avoir pas été trop long. J'ai été un peu de votre attention et ben, je vous souhaite à chacun ben, une bonne marche, tout simplement, et avec humilité et respect, je vous laisse sur ces quelques mots. Merci. Oh, je vais essayer d'être très courte. J'avais préparé une prise de parole, mais je vais être très courte. En fait, j'ai fait partie du collectif Paria Yotzinapa, un collectif qui lutte contre les violences d'État au Mexique et qui a été créé suite à la disparition de 43 étudiants en 2014 dans les Guerrero au sud du Mexique. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'affaire, ces étudiants se sont rendus dans la ville d'Iguala le 26 septembre 2014, donc, et pour réquisitionner des bus pour se rendre à une manifestation à Mexico. Cette nuit-là, ils ont été attaqués par diverses forces de police, forces de l'ordre, et par un groupe criminel local. Il y a eu trois étudiants qui ont été assassinés, trois autres personnes sans rapport à l'école normale d'Ayotzinapa qui ont été aussi assassinées, et 43 étudiants qui sont portés, disparus depuis le 26 septembre 2014. Je pourrais vous faire un peu l'historique de l'enquête des gouvernements, les gouvernements de l'époque, les gouvernements sortants actuels qui viennent de sortir la semaine dernière, mais c'est très long. Mais la seule chose que j'aimerais dire, c'est que si on n'arrive pas à faire la lumière, parce qu'on ne sait toujours pas ce qui s'est passé, il y a 10 ans, si on n'arrive pas à faire la lumière sur cette affaire, c'est parce qu'il y a un élément clé, et c'est l'armée au Mexique. Et la vocation de l'armée mexicaine est, et je reprends les paroles d'un auteur qui écrit beaucoup sur le Mexique, Georges Lapierre, la vocation de l'armée mexicaine est d'être une armée d'occupation au service d'une oligarchie à caractère colonial. Une armée qui s'occupe de l'ennemi intérieur, et l'ennemi intérieur, c'est le peuple autochtone, et par extension, toutes celles et tous ceux qui se mobilisent et qui se révoltent. Donc, du coup, faire la lumière sur les cas Ayotzinapa, c'est ouvrir les archives de l'armée, montrer qu'elle n'est pas intouchable, et par là même, ouvrir les archives des années 70 et 80, la période de contre-insurrection au Mexique, où la disparition forcée des personnes a été utilisée comme méthode de répression politique. Une méthode d'ailleurs enseignée par les escadrons de la mort de l'école française, qui, après l'avoir expérimenté en Algérie, l'ont montré au gouvernement autoritaire et dictatorial d'Amérique latine. Ayotzinapa est, dans ce contexte, une continuation de la violence étatique, de la violence coloniale, qui continue à reproduire depuis des décennies les mêmes techniques de répression, dont les disparitions forcées. Tant que les familles d'Ayotzinapa continueront à se mobiliser, nous, en tant que collectif, on va continuer à se mobiliser auprès d'eux et auprès d'ici, auprès des collectifs ici en France qui luttent aussi contre les violences policières, les violences pénitentiaires et les violences judiciaires au sein du réseau d'entraide vérité et justice. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Nous sommes la Batucada Raíces Arrechas, une Batucada lesbo-trans composée de personnes racisées et migrantes, créant une alliance afro-abiayala, à l'origine fondée par des personnes d'Abiayala, sous le nom de Guarichas Cosmica. Alors, le mot Batucada, ça a des origines Yoruba. Yoruba, au Bénin, ce qui signifie battre, percuter, remuer. Ce terme nous ramène à l'Afrique, où les tambours ont une fonction sociale importante, et qui évoque aussi le processus de colonisation où les puissances européennes ont arraché des millions de personnes à leur terre en Afrique pour les amener de force en Amérique latine et les réduire en esclavage. Et la batucada, ça aussi, ses racines au Brésil. Donc voilà, où le rythme des instruments africains sont mêlés à ceux des peuples originaires d'Abiayala. Et nous, à travers l'art et dans l'action, nous créons une force politique collective dans la rue, grâce à nos tambours, nos corps, nos voix. Le cri des poètes, de ceux qui manifestent, celui des révoltés, le cri des troubles faites, le cri qui les dérange, celui qui les inquiète, celui qui les accuse, celui qui les conteste, le cri qui les empêchera de dormir, celui qui effacera leur dédain et leur sourire, le cri des nôtres, celui des anonymes, le cri du peuple, le cri des victimes, le cri strident pour briser le silence, le cri révolutionnaire pour bouger les consciences, le cri de colère des damnés de la terre, et celui des familles à qui ont perdu un frère. justicia, no solamente en América, sino en el mundo entero. Me rehuso al iluso confuso, puso a la prensa que inventa que una orquesta de vándalos anda dando ofrendas cuando la violencia comienza. ¿En quién maneja los acordes de la presidencia? La consecuencia, autodefensa, quemar lo amargo, amar creando la resistencia. La consecuencia, autodefensa, quemar lo amargo, amar creando la resistencia. Si tu louves tes fichiers, si tu bouges tes pistes, leur état d'urgence c'est pour mieux t'asphyxier, c'est pour mieux te contrôler, c'est pour mieux te fliquer. Et non, ces espaces de liberté rétrécissent, un climat répressif, les lois se durcissent, violence policière, perquise arbitraire, justice à deux vitesses, l'étau se resserre sur, bien sûr, les fragiles et les précaires, sur ceux qui résistent, sur les quartiers populaires. Mais tu l'entends, ouais, il y a des voix qui s'élèvent, des voix qui s'énervent, des voix qui se soulèvent. En 6.3 FPP, vous êtes donc avec la jungle des luttes jusqu'à 20h30. Effectivement, tiens, début d'émission, je ne l'ai pas dit, c'est une émission mensuelle en direct tous les lundis de 19h à 20h30 et retransmis, donc je l'ai pas tout, donc c'est tous les troisièmes lundis du mois et retransmis le quatrième jeudi du mois de 8h à 9h30. Et vous avez également le blog de la jungle des luttes où vous pouvez retrouver toutes nos émissions. On est à peu près à jour. Il manque les dernières là, mais ça ne saurait tarder. Et vous avez donc encore une petite demi-heure avec nous. Comme je vous le disais en début d'émission, je voulais juste vous rappeler que la situation au Mexique est d'une violence extrême. On en parle régulièrement, mais ça monte, et notamment au Chiapas, où jusque-là, depuis 2-3 ans, enfin jusqu'il y a 2-3 ans, on pouvait se dire que le Chiapas était relativement épargné par rapport à la présence du narcotrafic. Là, il y a eu une accélération, une violence qui fait parler de guerre civile. Donc ça devient quand même assez tendu. Et donc les Apatistes qui, depuis maintenant 30 ans, puisqu'ils se sont soulevés le 1er janvier 1994, ont créé un grand nombre d'événements, de rassemblements de tous ces peuples en lutte en bas et à gauche. On en a parlé très souvent, et donc là justement, ils nous invitaient pour une fois, pas trop en retard, parce que l'année dernière ça avait été quand même un peu limite, donc peu de gens avaient pu se déplacer. Là, ils avaient lancé une invitation pour venir fêter l'anniversaire du soulèvement, donc pour le 1er janvier, dans un lieu qui justement, comme par hasard, alors en même temps, il y a des conflits à peu près sur tous les territoires où sont les Apatistes, liés aux terres qui ont été prises, mais aussi parce qu'il y a une politique de contre-insurrection qui prend plusieurs formes depuis 30 ans. Mais donc là, en tous les cas, il se trouve que la communauté liée à un caracol dans lequel les Apatistes souhaitaient nous accueillir a été attaquée. Les menaces sont de plus en plus importante, et dans toutes les communautés, même les plus petites communautés, il n'y a pas de répit pour toutes ces communautés qui ne touchent donc malheureusement évidemment pas que les communautés apatistes. Donc c'est ça qui est aussi à noter, hein, même si on parle des communautés apatistes là en l'occurrence, mais c'est justement un état de violence extrême. Et donc il y a également, justement pour montrer un peu l'intensité, il y a un prêtre qui a été un prêtre militant qui a été assassiné par balle il y a 2 jours. Donc voilà, si vous voulez vous joindre à nous, essayer de vous mobiliser, eh bien on se réunit le CSPCL une fois par mois, le premier mercredi du mois, actuellement dans les locaux du CICP 21 rue Voltaire dans le 11e à Paris. Et justement hier, puisqu'on avait une activité dans ce même lieu, le CICP, on était nous présents, donc le CSPCL, avec Remise à Flot, le réseau militant et gourmand, si on peut dire, éthique, solidaire, on peut rajouter aussi. Et l'objectif de cette journée hier, c'était grâce au concert organisé par le collectif Contre Culture CCC, l'objectif étant de pouvoir déjà faire connaître ce réseau qui effectivement n'a pas une vue sur le public, mais qui aujourd'hui fait appel à la solidarité pour l'achat d'une péniche, puisque ce réseau a pour objectif de pouvoir mettre en lien des producteurs et des consommateurs, et donc de pouvoir organiser ce voyage entre les uns et les autres sur les réseaux fluviaux, donc sur les canaux, sur les fleuves. Et donc bah voilà, on est avec Jean-Paul qui va pouvoir justement nous en parler. Et cette journée de solidarité, donc hier, voilà, ça c'était l'idée de pouvoir acheter cette péniche, puisque ce réseau a déjà plus de 27 ans, mais donc aujourd'hui se retrouve dans une situation un peu particulière, à savoir que sans les moyens de transport, c'est-à-dire une péniche, c'est plus compliqué de maintenir la vivacité de ce réseau. Et donc voilà, il y a un appel à solidarité. D'ailleurs, si vous n'êtes pas sûr d'écouter jusqu'à la fin, il y a justement une cagnotte Hello Asso. Et donc, vous pouvez également, si vous avez des doutes, c'est don pour acheter la péniche Séraphine. Donc, si vous voulez cliquer Hello Asso, don pour acheter la péniche Séraphine, vous pouvez faire un don, même que de 20 €, hein, évidemment, puisque vous ne nous connaissez pas, c'est peut-être compliqué, mais parfois, on a envie d'être solidaire et après notre récit de cette aventure merveilleuse, vous aurez peut-être envie de vous solidariser. Et si jamais vous avez des doutes ou des questions à nous poser, n'hésitez pas donc à écrire à Remise à Flot, R-E-M-I-S-E-S-A-F-L-O-T-S, @gmail.com. Et donc là, on va vous donner quand même plus de détails. On va prendre le temps jusqu'à la fin de l'émission pour vous raconter ce que c'est ce réseau, quel est son objectif premier et puis second et puis finalement cette aventure qui dure déjà depuis longtemps. Et donc nous, le CSPCL, on est justement des amateurs de bons produits et c'est comme ça qu'on a connu le réseau Remise à Flot. Donc jusque-là, on était des participants et puis certains d'entre nous un peu plus actifs justement dans cette nouvelle étape. Merci à toi Jean-Paul d'être avec nous. Bonsoir, donc je suis Jean-Paul, je suis membre de ce réseau, comme vient de le dire Virginie, et moi j'y suis rentré il y a un an à peu près, quand on a saisi un petit peu les difficultés actuelles, que je vais vous résumer rapidement pour pas vous saouler. Donc grosso modo, la péniche aujourd'hui, elle appartient à une coopérative qui est obligée de cesser son activité au 31 décembre, et pour clore un peu l'affaire, ils vendent le bateau. Et le bateau, ils consentent à nous le vendre à un prix qui nous paraît à notre portée et qui est, avec les taxes, qui est de 60 000 euros. Et donc, on essaie de réunir cette somme pour acheter le bateau, pour une fois être propriétaire du bateau, pouvoir être certain d'assurer ce fabuleux voyage, comme dit Virginie, qui est organisé chaque année. Maintenant, c'est le 28e voyage qui est fait cette année. Ce voyage, il a été initié par des bateliers au départ. Alors nous, on n'est pas bateliers dans l'équipe plus jeune et militante qui a repris le réseau. On n'est pas bateliers, donc on paye un marinier et une matelote cette année pour faire le voyage. Mais en tout cas, on se mobilise pour que ce voyage puisse se faire. C'est un voyage un peu particulier qui part du sud et qui va jusqu'en région parisienne. Et peut-être que si le bateau nous appartient et qu'on n'a pas à le louer à chaque fois, on pourra éventuellement éventuellement aller un peu plus loin, mais ça c'est autre chose. Et c'est le seul voyage à notre connaissance de fret artisanal aujourd'hui en France qui navigue sur ce qui reste des canaux français et sur les fleuves qui eux sont navigables pour la plupart en France, à part la Loire parce qu'elle n'est pas endiguée. Donc on part d'Agde au sud dans l'Hérault, au bout du canal du Midi, et on remonte le canal qui va de Sète jusqu'au Rhône. On traverse l'étang d'Auteau d'abord, puis Sète jusqu'au Rhône, on remonte le Rhône et puis la Saône, et puis les canaux du centre ou de Bourgogne, ou tous les petits canaux qui peut y avoir et qui vont nous ramener jusqu'à la Seine pour arriver dans le grand sud de la région parisienne, puis vraiment en banlieue parisienne à Paris, et enfin dans le nord de Paris, Pantin et Saint-Denis et l'île Saint-Denis. Voilà, ce voyage, il est chargé de produits de paysans et d'artisans qui ont été rencontrés au fil des années, qui sont des vrais paysans, c'est pas des industriels de l'agroalimentaire, qui ont une véritable éthique, celle qui nous correspond, et qui nous confient leurs produits. Des produits qui, justement, par exemple, ne sont pas forcément labellisés bio, mais qui sont produits dans le respect de l'environnement, voilà, des animaux. Enfin, voilà. Ils n'ont pas forcément le label, mais c'est comme on les appelle nous, ce sont du bio libre. Mais comme on connaît les producteurs, qu'on a une relation de confiance avec eux depuis des décennies maintenant, et que certains d'entre eux sont devenus même des grands copains, on vous garantit la qualité organoleptique de tous ces produits. Donc ces produits, ils sont commandés à l'avance par des gens qui se groupent pour les acheter, puisqu'on conditionne, on prend les conditionnements des producteurs et des productrices. On ne bargaine pas les prix, hein, on va pas commencer à jouer les carrefours, donc c'est le prix des producteurs qui est fait, et ils sont livrés au fur et à mesure du parcours au groupe d'achat, donc aux gens qui sont groupés ou pas, des fois ça peut être des personnes toutes seules, au fil de l'eau et au fil du parcours, donc dans les petites et moyennes villes, puisque l'avantage de ce transport là avec une péniche de petits gabarits, c'est qu'on peut aller quasiment partout tant que les canaux sont entretenus, ce qui est un petit problème dont on parlera tout à l'heure. Donc grosso modo, le voyage, une fois par an, une commande annuelle en avril-mai. En juin, on clôt les commandes, on voit avec les producteurs, productrices, s'ils ont les quantités souhaitées. Sinon, bah, on ajuste avec les groupes. Ils préparent les commandes, on charge le plus gros dans le sud à Agde fin août. On va continuer à charger en même temps qu'on va commencer à décharger sur le fil de l'eau à d'autres producteurs qui vont être sur les canaux ou sur le Rhône ou sur la Saône. Et puis ensuite, on livre donc et on livre jusqu'à début novembre en région parisienne. Voilà, donc justement, par exemple, comme on parle de région parisienne, actuellement on est à Pantin, puis, voilà, puis ensuite le week-end prochain à Paris sur le quai de GMAP. Sur l'île Saint-Denis les deux week-ends suivants, il me semble, et ce d'abord sera la à Saint-Denis fin. Et après l'île Saint-Denis. Saint-Denis, l'île Saint-Denis. Et donc la péniche Séraphine, elle s'appelle Séraphine, celle qui est en question. Donc si vous passez, que vous voyez une péniche Séraphine, n'hésitez pas à toquer s'il y a quelqu'un pour nous parler éventuellement, justement, puisque c'est cette période de livraison, il y a des allées et venues et les groupes qui viennent chercher leurs commandes, donc justement au fur et à mesure. Ouais, c'est toujours l'occasion de rencontrer à la fois les groupes, bien sûr, mais une totale de passants et de curieux qui nous voient sortir ces denrées et qui voient des groupes qui sont plutôt avec le sourire, telle une grosse banane, là, à savoir qu'ils vont avoir tous ces produits qui arrivent une fois l'an. C'est un peu Noël avant l'heure pour les groupes. Parce que justement, on n'a pas trop parlé de produits, mais du coup, ça va du vin à la crème de châtaigne, en passant par des magrets de canard, du miel, de l'huile d'olive. Et donc, y a toute une gamme de produits, des pois chiches, de la farine. Donc, la moutarde. Il y a tout un tas. Il y a une variété de produits non périssables, des conserves. Donc, comme c'est un voyage annuel, tu fais justement tes réserves de tapenade pour l'année. Bon choix. Et ça permet donc justement de... C'est pour ça qu'on l'appelle gourmand, puisque effectivement, faut quand même avoir... Le goût du salé, du gras, du bon, c'est effectivement pas forcément très à la mode dans le sens où c'est peu, c'est pas vraiment, enfin il y a des choses végétariennes évidemment, mais il y a une grande quantité de produits avec de la viande, mais fait avec le respect, et donc qui du coup sort de cette viande dont on ne veut pas effectivement à savoir que tout le vin et toute l'huile sont végétariens. Et... ouais, non mais bien sûr, non mais c'était pour dire dans le sens où peut-être que si, enfin voilà, il y a des produits carnés, on peut pas le cacher. On peut, non mais voilà, non mais parce que du coup il y a une grande liste. Donc, non mais il y a aussi des confitures, il y a aussi des pâtés végétaux. Ah oui, mais non mais on n'a pas dit que c'était voilà, que de la viande. Des tapenades, comme tu as dit. Oui, voilà. Bien sûr, non mais c'était pour justement montrer que la gamme n'avait pas de restrictions, n'a pas de restrictions. Des pâtes, de la polenta. Les restrictions, c'est surtout sur la façon dont c'est produit et avec qui on travaille. Et effectivement, on passe sur tous les produits en revue, voilà, selon nos possibilités aussi, puisqu'il y a des limites en termes de quantité de produits. Il faut gérer tout ça, puisque... ah oui, c'est un gros c'est Tetris, le chargement. Il faut à la fois charger et penser au déchargement. Et puis, il faut qu'on puisse circuler dans la cale pour pouvoir justement livrer les groupes les uns derrière les autres. On ne peut pas entasser les palettes trop serrées, sinon on ne peut plus livrer. Donc justement, ce voyage, il a transporté 34 tonnes de marchandises. Ce qui du coup est important, ça remplit bien la cale, même si la capacité est plus importante. Parce que du coup, on parle de petits gabarits, mais c'est quand même une quantité importante. Oui, c'est une péniche qui pourrait transporter, si elle transportait du sable ou du gravier, elle pourrait transporter jusqu'à 120 tonnes. Mais bon, vous ne seriez pas bien avancé avec du sable dans vos assiettes. Et puis, il y en a d'autres qui s'en chargent, des gros gabarits, donc justement, qui ne font que ça. Oui, les gros gabarits, principalement en France, le transport fluvial, c'est du gros gabarit pour les céréaliers de la brie et de la bosse un petit peu, et pour les ciments Lafarge et consorts, donc qui vont transporter du gravier, du sable, voilà, sur du nord au sud, enfin de région parisienne vers le nord de la France, par exemple, ou jusqu'au Havre, entre le Havre et Gennevilliers. Voilà, là c'est des très grosses barges, vous pouvez voir, des trains de péniche même parfois. Nous, on n'est pas du tout dans ce gabarit. Là, on est vraiment dans un gabarit artisanal. Le maximum, enfin, notre gabarit, c'est 38 mètres de long et 5 mètres 50 de large. Voilà, c'est ce qu'on appelle une péniche fraissinée, une péniche de petit gabarit qui peut aller dans les écluses du canal du Midi, qui peut aller dans les écluses des petits canaux construits depuis Louis XIV et qui faisait de la France le plus gros pays avec les Pays-Bas, avec un réseau de canaux aussi important. Alors ça, on peut en parler un petit peu parce qu'on est militant aussi là-dessus, c'est-à-dire que le transport fluvial, c'est pire que la SNCF avec les petites lignes abandonnées. Le transport fluvial, vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment fait pour les gros dont on parlait à l'instant. Et c'est pas pour rien que... Alors, on nous dit qu'on est les derniers à faire du fret comme ça et qui traverse la France du nord au sud, du sud au nord plutôt. En fait, nous, on préfère dire qu'on est les premiers d'une nouvelle ère parce qu'effectivement, le transport par péniche, c'est l'avenir. Là, il faut voir que la péniche, on transporte dans 34 tonnes, plus le poids de la péniche. Il y a un moteur qui ne fait même pas 200 chevaux pour faire ça. Hein. C'est loin d'être un moteur de poids lourd, c'est un moteur d'une grosse voiture d'aujourd'hui. Enfin, même pas grosse, parce que même aujourd'hui, elles font beaucoup plus que ça, certains SUV. Donc, parce qu'on peut transporter tout ça, alors certes, lentement, mais ça, c'est aussi quelque chose qui nous convient. Certes, lentement, mais en tout cas, en toute sécurité, d'une part, et en consommant très, très peu, puisque c'est l'eau qui porte, et nous, on n'a qu'à faire avancer. Autrefois, donc, les péniches... Effectivement, c'est lent. C'est de l'ordre de 12 km/h en général, voire 10. Donc on prend son temps. Voilà. Quand on remonte le Rhône avec le courant en face, forcément, c'est plutôt 10. Et quand on descend, c'est 14-15. Voilà. Mais c'est pas très grave. C'est magnifique. La France, par les canaux, c'est vraiment des paysages à couper le souffle, des couchers de soleil ou des levées de soleil en été. Là, c'est très, très beau. Puisque le voyage, on le fait, la descente, on l'a fait en début d'été et le retour en fin d'été. Donc, on a des longues journées et vraiment, on s'ennuie pas. La joie des éclusiers de voir un autre transport que des petites barquettes touristiques et qui donc en réalité rendent leur métier de moins en moins intéressant puisqu'il n'y a plus grand chose qui se passe pour eux non plus, et donc ils étaient intéressés à pouvoir discuter avec justement ce qu'on pourrait dire des bateliers ou des mariniers, non pas des touristes qui essayent de passer et de faire leurs petites manœuvres et leurs vacances, ce qui est très bien, mais qui du coup justement pose le problème de l'entretien des canaux. Parce que justement, s'il n'y a pas de bateaux tels que la péniche raffine des petits gabarits pour faire suffisamment de mouvements pour pouvoir remuer les algues, pour que les algues ne se développent pas. Là, cette année, à la descente, par exemple, dans le canal avant la Saône, le marinier et la matelote ont été obligés de plonger trois fois pour dégager l'hélice des algues qui s'étaient emberlificotées autour. Donc, c'était parce qu'il y avait un an qu'il n'y avait pas une grosse péniche. Enfin, par rapport aux petits bateaux, on va dire, électriques, qui ont tirant d'eau très très faible, de quelques dizaines de centimètres. Il n'y avait pas un gros bateau, on va dire, qui était passé pour remuer un peu tout ça et arracher permettre que les algues ne se développent pas. Il y a les algues, parce que les canaux sont de moins en moins drainés, effectivement, mais il y a aussi les berges qui s'esquintent à certains endroits, qui tombent dans l'eau, donc les murs qui tombent dans l'eau. Là, au retour, on est passé dans une écluse où après le passage de la péniche, le bord s'est effondré. Il y avait un arbre qui avait été un petit peu déraciné par une tempête. Ça n'avait pas été entretenu. L'arbre est tombé dans le canal, donc le canal a été fermé. On espère que ce sera réparé pour l'an prochain. Mais en fait, il y a un problème d'entretien des canaux qui est vraiment manifeste. Et le problème, c'est qu'on ne parle pas du tout de ce type d'inaction, puisqu'il y a très peu de personnes qui occupent ou qui utilisent ces canaux, hormis justement les petites barquettes touristiques qui, elles, ne vont jamais souffrir réellement et ne vont pas se poser la question de ce qui vit dans ces eaux, puisque justement on parle au niveau écologique des forêts, des mers, des océans, des oiseaux énormément, mais par contre on parle très peu de la vie sur ces canaux et les fleuves. C'est pris dans le lot de la question du climat, des changements, de la pollution, mais on ne parle pas concrètement de ces voies que nous, on entend vouloir occuper peut-être plus si on réussit à avoir ces raffines que ce voyage annuel, mais qui, en tous les cas, nous semble important de mettre en avant aussi parce qu'il s'agit de métiers qu'on est en train de perdre et dont aujourd'hui, maintenant, on fait la réflexion, on n'a plus de boucher, de cordonnier, on ne sait plus rien faire soi-même. Et justement, il faut pouvoir réussir à naviguer et à avoir des personnes qui ont envie d'apprendre ce métier aussi. Et donc, on a eu la chance justement de rencontrer un jeune batelier, mais ce n'est pas évident non plus puisqu'ils sont peu nombreux. Et oui, donc, aujourd'hui, les jeunes, quel est le jeune qui pense à être batelier, quoi ? Est-ce que vous avez vu dans les collèges ou les lycées de vos enfants, au forum des métiers, un batelier ou une batelière venir raconter son métier ? Ben non, c'est assez rare. Par contre, tu disais qu'on n'en parle pas. Moi, je vais juste un tout petit peu apporter une précision. C'est que là, il y a un excellent dossier qui a été fait par le journal Le Chiffon, qui est sorti là pour le numéro d'automne, qui parle effectivement de tout ce qui se passe autour de la Seine et notamment de comment la batellerie est en train de devenir quelque chose d'industriel. Donc, on ne peut que vous recommander cet excellent numéro du Chiffon dans lequel le Chiffon nous a consacré une page à Remise à Flot pour parler de notre réseau. Il y a quand même une presse alternative qui parle un petit peu de ça. On n'en parle pas, c'était voilà. Pour dire en dehors des réseaux militants ou de la... Et nous avons eu un article aussi dans Nature et Progrès en fin de printemps, début d'été. Là, si je me souviens bien, on met juin par là, non si je me souviens bien. Oui, c'était... Et en fait, on parle donc là aujourd'hui précisément de ce projet, puisque l'idée, c'est de pouvoir acheter là maintenant, avant fin novembre, réussir à réunir cet argent et cette somme pour acquérir ces raffines. Alors l'idée, c'est pas non plus devenir des propriétaires, parce que comme vous l'avez compris, c'est surtout, enfin ou peut-être pas encore assez précisé, pourquoi on achète cette péniche, c'est parce que notre voyage est justement un petit peu compliqué, qui s'étend plus sur plusieurs mois, avec plusieurs étapes, un coup pour charger, un coup pour décharger, prendre le temps avec les gens avec qui on échange, et donc c'est pas du transport commercial, et donc puisque c'est quelque chose d'assez original et exceptionnel, ça va être compliqué pour nous de trouver un bateau disponible autant de temps que ça nous coûte les yeux de la tête, un marinier capable de rester 3 mois comme ça sur le cours de l'eau en se faisant des escales pour livrer du cassoulet. Donc c'est pour ça qu'on a ce besoin là aujourd'hui d'acheter cette péniche puisqu'elle est à vendre et qu'elle nous convient, qu'elle nous correspond. Et donc du coup il y a la cagnotte Hello Asso dont pour acheter la péniche la péniche Séraphine. Et puis sinon vous pouvez donc nous écrire sur remise à flot, remise au pluriel à flot comme les flots de l'eau. Aussi. Au pluriel aussi, et @gmail.com. Donc, si vous voulez des informations, et si donc justement vous voulez vous joindre à nous, pas seulement donc coopérer à l'achat de Séraphine et de faire un don de solidarité, vous pouvez également, si vous êtes curieux et vous avez envie de déguster ces produits, vous pouvez éventuellement rejoindre un groupe de commandeurs, d'acheteurs, ou créer le vôtre. Et donc pareil, pour ça, vous pouvez nous écrire pour dire, peut-être dans l'objet, si ce n'est pas pour un don, vous pouvez mettre dans l'objet intéressé pour une prochaine commande, sachant que les commandes se font plutôt mai-juin et les livraisons justement en ce moment. Donc vous avez le temps de vous décider, on en reparlera peut-être d'ici là. Mais donc voilà, on tenait à faire une émission un peu plus longue là aujourd'hui sur le sujet de ce voyage, puisqu'il y a un enjeu important. C'est maintenant, oui, là, il faut boucler. On est avec les dons, les promesses de dons, on a dépassé les 2/3 de la somme requise. Donc la dernière ligne droite, là, il faut qu'on fonce et on compte sur vous. Et si vous avez envie de questions et de parler à quelqu'un en direct, vous pouvez venir aussi également au CSPCL, parce que tout à l'heure j'ai dit que vous pouviez venir sur la péniche à Pantin, c'est au niveau de l'église de Pantin, près du CNFPT. Et sinon, vous pouvez venir aussi à la premier mercredi du mois au CSPCL, qui se réunit donc à 20h au CICP, où là, il y aura des personnes en mesure de vous donner des informations, puisque c'est maintenant que ça se joue, comme on le disait. Oui, voilà, c'est maintenant que ça se joue. Il faut que fin novembre, on ait bouclé cet achat pour que la coopérative puisse... Et puis continuer à faire vivre. Arrêter son activité. Déjà, et ça, c'est impératif donc, pour eux avant le 31 décembre. Sinon, après, les frais l'année prochaine seront trop importants. Et il faut savoir que nous, si on ne peut pas faire ce voyage, les producteurs qui, depuis 27 ans... comptent sur nous. Ont une grande partie pour certains de leur production qui part avec ce voyage, ce qui est une garantie pour eux et un confort inestimable dans ce monde de brut ou de plus en plus précaire, même si on a des exploitations depuis des années. Et donc voilà, merci. Parce que c'est vraiment un réseau militant, et les producteurs aussi sont militants, parce qu'ils nous confient quand même leurs marchandises pendant 3 mois, on les paye 3 mois après, quand vous avez les consommateurs ont payé, nous on ne fait que transporter, on n'est pas épicier. Et on est bénévole, voilà. Justement. Oui, on est bénévole aussi. Et chaque groupe va faire un chèque aux producteurs directement. Hein, donc nous on n'encaisse rien, si ce n'est le prix du transport qu'on majore sur le prix de votre boîte de cassoulet, qui permet de payer le gasoil et le batelier et l'entretien du bateau. Donc n'hésitez pas à écrire à remiseaflot@gmail.com. Nous c'est donc le CSPCL, la jungle des luttes, c'est fini. On se retrouve le 3e lundi du mois prochain et vous pouvez nous réécouter le 4e jeudi de 8h à 9h30. Merci la lucha sigue. Gracias chiquita. Yes, sir.